Leçon 4, page 120, activité 2 et 3, piste 109. Maman, on a rendez-vous à 10h devant l'école, puis on va au musée en bus avec la maîtresse. Je sais, mon chéri. Je vous amène à l'école en voiture. On peut aller à l'école à pied. C'est pas loin. Mais en voiture, c'est plus rapide. D'accord, maman.